La délégation coréenne conduite par le ministre des Affaires étrangères Lee Yong-ho a quitté le 5 août Pyongyang par vol pour participer à la conférence ministérielle du Forum régional de l'ASEAN prévue à Manille, capitale des Philippines.